un truc qui me 15 jours 3 semaines là, c'est le paradis. Je sais pas ce qui vous est arrivé. Je sais pas si vous êtes mis des règles par rapport à avant. Mais je trouvais que avant que vous soyez ensemble ou pas, c'est vrai qu'il y avait eu des moments, il y a eu des tensions assez fortes. Oui. Depuis le retour de Cannes, donc ça fait pas 3 semaines, ça fait 15 jours, un peu plus de 10 jours. Ça se passe trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Mais rien de spécial. Il a une jolie voix, hein, Florent. Ah, il te plaît. J'ai jamais eu au téléphone, lui. Il te plaît? Non, mais il est sympa, quoi. Non, il est sympa, mais... quand même. Non, mais... Et comment ça s'appelle? J'ai toujours eu Julie, hein, tu ouais. vois. Ouais. Et j'ai pas eu Florent. Eh ben, on te passera Florent. C'est lui qui va te raccrocher au nez. Ouais, ouais. C'est d'accord. C'est lui. C'est lui qui va te dire d'écrire si tu veux un clip. Je l'ai pas vu à Cannes. Et d'aller se faire foutre si tu veux un CD. Voilà. Je l'ai pas vu à Cannes. Non, mais moi non plus, je l'ai pas vu. Il était pas? Non, j'ai. Bonjour, monsieur, bonjour, maman, bonjour, madame. Tu vas danser, Anna. Anna. Il fait. Il coco, il vend sapo, il vend citron galé, il vend kombava. Bonjour, monsieur, bonjour, maman, bonjour, madame. Ami vani coco, chapo, citron galé, vécu, kombava. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Ah bonjour, monsieur, bonjour, maman, bonjour, madame. Mui vani coco chapo, si ton galé vécu comme baba. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Omi vani coco chapo, si ton galé vécu comme baba. Chocho maman, tout ce bangue, ni pour autre manja kafi, mon carré de bébé. Son repas avec Hubert. Qui belle et sauvage, ah. Épanouie, divine, son essence. Gérard, il a changé de voix, regarde, il essaie de masquer sa voix. Ouais, non, Gérard, ouais. Attends, sans déconner, c'est Gérard. Esprit escarpé. Bah, alors, soleil, c'est pas si Gérard. Bah, alors, Max, tu dois le virer, hein. Gérard. Non. C'est lui qui fait l'ultimatum. Attendez, mais c'est vraiment lui, j'attendais, sa voix me dit quelque Gérard. Chose. Thank you. présenter une nouvelle méthode de gouvernement plus proche des Français, qui fasse toute sa place à la morale publique. Ensuite, nous devons concilier la liberté, qui est l'oxygène de la santé économique, et la solidarité. Je souhaite enfin que la majorité que vous allez désigner ne prenne pas le risque de fragiliser la construction européenne. De son côté, Lionel Jospin, qui n'oublie pas qu'il... que moi, je voudrais lui dire et la séduire, mais ça vraiment je n'ose pas, je voudrais la serrer dans mes bras, mais un autre sur son sofa, une fille comme ça, une fille comme ça, ouais, c'est bon pour un gars comme moi, je l'ai suivi l'après-midi, elle a rendez-vous avec lui, je l'ai donc vu le canari, et je trouve que beaucoup mieux que lui, ouais. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce bigot? Je le trouve grave et ennuyeux. Il rit jamais, il est sérieux. Qu'est-ce qu'il fout dans son agenda? Des gars comme ça, il y en a des tonnes. Qui se mettent à jouer du saxophone, qui s'habillent à la dernière mode et obéissent à tous les codes. Une fille comme ça, une fille comme ça, ouais, c'est bon pour un gars comme moi. Des chansons, un type plein de fantaisie, mais qui s'en foutrait de la vie. Tous les deux, ils iraient se promener du côté Saint-Germain-des-Prés. Ils parleraient pour épater. Ensuite, il y a patapatatariadoda. Ouais! Comme ça, sûrement comme moi, c'était Danny Briand. Tu vois, je dis ça, mais je t'estime vachement, quoi. C'est con parce que tu vois tout ce que tu viens de dire. Je viens d'écouter, mais je vais te dire une chose que je viens pas du fin fond de ma combrousse, comme tu viens de dire. Mais tu diras à ton copain que c'est pas la peine qu'il rigole derrière toi quand tu parles. Ouais. Déjà pour commencer. Ouais. Vas-y, Gérard. Hein? Ouais, ouais. Et quoi d'autre encore? Donc, je viens pas de ma cambrousse. Comme tu dis si bien, je viens de Suresnes, d'accord? Donc, Max, il fait ce qu'il veut avec ses auditeurs. Maintenant, s'il me laisse cette chance que j'ai parmi les autres... Devant le micro, parle devant le micro. Parmi les autres auditeurs que tu connais, donc, si tu es un fidèle de la nuit... Donc apparemment, je suis le seul à pouvoir... Le seul, être... sauf Françoise quand elle débarque et que je suis obligé de payer le taxi. Voilà. Sinon, je le ferai pas. Sinon, je paierai pas le taxi à tout le monde, ouais. Donc voilà. Il y a Stéphane, apparemment, qui est venu également, l'auditeur, et qui nous fait les improvisations. Tout a déjà été dans un sex shop. Oh, bah, mon père, mes parents tiennent un de sex shop. Oh, tiens. Ce serait pas en banlieue? Non, c'est à Paris. Arrête de te branler quand je parle. Donc, le débat, il va être super bien. Non, c'est Roger et Audrey, j'en ai deux pour l'instant, c'est Roger et Audrey. David, voilà. Roger et Audrey, tiens. Alors, le débat sur la fidélité, si vous êtes pour ou contre la fidélité, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions qui vont débarquer? Bon, ils verront. Hein. Ils verront, ça sera la surprise du chef. On aura la sodomie s'est trompé. De manière, je ne ferai pas un truc sur la sodomie, parce que le dernier débat que j'ai fait sur la sodomie, j'aime pas celui qui s'amuse à écrire sur les cahiers comme ça. Qu'est-ce qui a marqué? Hein? En 6, veux-tu me sucer la bite? En 7, quand me défendras-tu le cul? Et aimes-tu l'odeur de mon anus? Alors, ça, j'aime pas trop, hein. Si vous voulez écrire sur du papier, vous avez des feuilles. C'est pas moi. Non, c'est jamais personne. Non. C'est pas mon écriture. C'est jamais personne. C'est jamais personne, alors. Donc si ça vous amuse, bah, tant mieux. Hein. Moi, ça me fait pas rigoler de s'amuser sur des débats. Hein. Dans ce cas-là, la semaine prochaine, il n'y aura rien, puis c'est tout. Je sais que celui-là, il se termine avant 3 heures, il n'y a pas loin aussi. C'est le cahier de Gérard, donc, où il écrit tous ses poèmes. C'est là où ça a été écrit dessus. Ça a été rayé au milieu. Fais voir. Qui c'est qui t'a fait ça? En fin de compte, je crois qu'il avait ses questions 1, 2, 3, 4, 5. Et pour l'aider dans le débat, il y a des personnes qui ont rajouté la 6 et la 7 et la 8. Ah ouais. Alors que j'ai jamais écrit ça. Hein. C'était quoi tes questions d'abord, les premières? Toi, c'était quoi sur le BDM de la sodomie? Croyez-vous que les filles aiment ça? Devant le micro. J'en avais parlé, mais comme ça s'était mal terminé avec... Approche ton... Voilà, vas-y. Comme ça s'était mal terminé, donc on a tout laissé tomber. C'était quoi les questions déjà à l'origine? C'était, croyez-vous que les filles aiment ça, ou pensez-vous que cela fait leur face du bien, ou autre? D'accord, et il y avait eu rajouté en 5? En 6, 7 et 8, et ben ça. Tu rappelles ce que c'était? Non, bon... On va poser la troisième question, on va écouter de la musique et on reviendra après. Tu la poses pas trop fort par terre, hein? Ok, donc on écoute ta question. Par derrière. La question. Je pense vous être fidèle avec la même personne. Dans ton travail que le ciel est beau, il doit faire beau sur les routes, de lundi au soleil, de lundi au soleil, on pourrait le passer. On serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin. Ou simplement ne rien faire. Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Mais c'est quand on est derrière les carreaux. Quand on travaille que le ciel est beau. Qui doit faire beau sur les routes. Pris 2 minutes. Hein, non, mais il y a un thème. C'est quoi ta question, Gérard? Les gars, c'est un thème. J'aimerais te poser une question. C'est quoi le but de tes débats, en fait? Tu réponds aux questions, c'est tout. De débats. Ah, d'accord. Voilà. En fait, il n'y a aucun but. Tu veux te faire embaucher à Fun Radio en passant sur Europe 1 et Skyrock, c'est ça? Ça, t'as raison. Continue. C'est payé, Gérard? Ça vous regarde. Tu rigoles ou quoi? Alors, Gérard, tu répètes ta question. Qu'est-ce que c'était? Oh, Germaine, tu commences à être souvent. Elle est fidèle pour la même personne. Mais répète la question, Germaine. Elle a une très jolie voix. Il faut qu'on débatte, alors on va débattre. Alors, répondez, Germaine. On vient de te poser la question, donc tu réponds maintenant. Mais quoi, la question? Êtes-vous fidèle à la même personne? As-tu toujours été fidèle à Gérard? Alors, moi, je dois dire que dès la première seconde, quand il avait répondu dans le chasseur français, j'étais fidèle. Oui, Gérard, tu n'es pas hétéro. On avait compris. Gérard, et c'est pour ça que la prochaine fois que tu me suis, t'enlèves les dents, s'il te plaît, ça va faire mal. Non, Chloé. Oui. Gérard, est-ce que tu peux épeler hétéro qu'on se marre? Non, bah alors là, tu vas te faire foutre, toi. Hétéro. Tu mets deux H aspirés ou... Je vais te dire une chose, Luigi, je vais te répondre à ta question. Non, c'est Tony, là, hein, faut pas confondre, hein. C'est Tony qui vient de dire ça? Ouais. Bon, on va dire ça alors. Ouais, ben tu vois, je vais te dire une chose, que ce que tu viens d'annoncer là comme connerie, je te répondrai pas, tu vois. Ah non, Gérard, s'il te plaît, réponds-moi. Gérard, il y a un autre Tony sur Minitel qui pose une question. Par contre... Ah là, Gérard, tu devrais nous répondre. Là, Gérard, faut que tu réponds. Gérard, parce répond. Qu'on sodomise tellement de fois que... Ouais, oui. Enfin, faudrait que tu nous dises, Gérard. Et il sodomise les chèvres aussi, hein. Ah oui, mais il se fait sodomiser pas. Et Germaine, hein. Comme t'as une grande gueule, ben, tu vas répondre à la question. Ça t'apprendra de l'avoir ouverte. Ah ouais, il y a une chose que je dois dire. Concernant la sodomie, ça n'est certainement pas avec Gérard que j'ai pu être contentée. C'est clair. Eh ben, tu vois, je vais dire une chose. En proportion, je préfère encore le taureau dans le champ. Eh ben, dans ces cas-là, tu restes avec ton taureau et tu nous emmerdes pas. Ben non, Gérard... mais... Faut dire une chose, mademoiselle Chanès, pour revenir à ce que vous disiez avant. Ouais, ouais. Non, c'est pas Gérard, dans le cadre de quelqu'un comme Gérard, ouais. S'il n'y a ni la contentation, la substantation sexuelle, non, ni Gérard, la substantation morale. Non, je te répondrai pas. Comme ça, t'es tranquille. Bah non, mais si t'es fidèle non, à toi-même. De toute manière, je réponds pas à ta deuxième question, comme ça, ça va plus vite. Pourquoi ? Parce que je vois pas le rapport. Bah si. Non, mais Gérard, tu t'es que... jamais trompé. Tu t'es jamais trompé. Bah, Tu t'es jamais sucé, Gérard. Gérard, non, c'est vrai que tu t'auto-suces. Quoi ? C'est vrai que tu t'auto-suces. Et ta connerie, tu t'as mets où ? Et que tu branles avec les pieds. Ouais, c'est pour c'est ça que t'as inscrit au Guinness Club, Gérard. Oui, c'est ça. Ben oui, Gérard. Ouais, c'est bien. C'est bien, Gérard. Je vois pas comment il peut se branler avec son spaghetti, à moins avec une pince à épiler. Moi, toi, la Germaine, tu commences à me les gonfler, hein, non, sérieusement. Faut dire la réalité un peu. Hein. Ouais, ouais. Et sur ces bonnes paroles, on va un peu réfléchir à la prochaine question, Gérard. Il est phénoménal. On finira avec ça. Ah, clair. Promis. Bon, Gérard, tu peux mettre la prochaine Marcel question, ça sera quoi ? Bon, bah, je vais prendre une autre. Je vais pas continuer sur la fidélité, je vais changer le truc. Ouais, ouais, ça sera quoi comme, alors comme je vois qu'ils veulent parler de tube, on va y aller sur la scène. Non, GG, on peut parler de législatif. Non. Ah, si, j'ai non. Législatif, politique. Gérard, président. Un peu de politique, c'est Gérard, non. Président. Oui, c'est un peu plus. Bah, eh ben, on va faire un mélange. On va faire un mélange. La sodomie voilà, dans les législatives. Voilà, rapport direct. Ok. Gérard, contre. Attends, je vois pourquoi tu dis que Sidonie va se présenter aux législatives. Moi, Gérard, je pense que tu devrais te présenter aux prochaines élections présidentielles. Ouais, je suis d'accord. On va y réfléchir, on revient tout de suite. Oh la galère. Non, je me répète. Non, je trouve que la sodo, c'est pas suffisant. C'est pas ce que je dis. Non, mais pourquoi ? Ben, c'est pas suffisant. Parce que sodo, c'est une abréviation, il faut rajouter. Il y a Cuny, il y a la pipe aussi. Oui, ben voilà. Ben, Gérard. Quoi ? Salut, c'est Orlando. Salut, c'est Orlando. Gérard ? Quoi ? Oui, salut, je voudrais t'expliquer une chose. Là, mon métier, c'est sodomiseur à domicile. Non, Gérard, laisse-moi te dire. Gérard, c'est un branleur de taureau, donc t'as rien à voir. J'ai même expliqué mon travail. Je vais chez les gens. J'emmène ma valise, j'ai tout ce qu'il faut pour participer avec eux. Ils me demandent ce qu'ils veulent et je les sodomise. Où ils veulent. Tu les encules. Voilà. Et dans ce cas-là, tu seras pas un T'es un représentant. Non. Arrête de dire des insultes, toi, là-bas. Elle se lâche, hein, Julien. Elle a le droit de répondre. La semaine dernière, elle a dit enculé et elle recommence. Ça y est, c'est l'été qui arrive, là, Julien. Bon, la sodomie, c'est un travail. C'est Julien, on essaye de faire un débat sérieux et toi, tu viens avec des mots vulgaires. Voilà. Non, mais attendez, on est tous polis. On est tous polis et puis Julie, elle vient de foutre le bordel dans le débat. Tu casses l'ambiance du débat, maintenant, on est tous sur une mauvaise humeur, c'est vachement agréable. Merci, mais après ce qu'elle veut, Julie, hein, ça allait au standard. Si elle veut répondre aux questions, elle a le droit aussi. Ouais, mais arrête, arrête de la défendre, Gérard, jamais tu te la feras. Bon, bah, toi, Si, si, moi, c'est possible. Il y a Vin sur Minitel qui demande à Julie s'il aimerait bien Sodome, Julie. C'est qui ça? C'est Vin qui demande. Non, pourquoi tu poses cette question-là? Bah, il te pose une question, réponds. Bah, sa question, c'est négatif et c'est tout. Je crois pas. Bon, ta bouche, toi, c'est pas toi qui. Il respecte Julie quand même, hein. Gérard. Eh, vous commencez à être lourd hein, aujourd'hui, les mecs. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, les trois qui restent, vous commencez à être lourd. Et Gérard, et ces attouchements moites au fond des voitures, quand tu n'avais qu'un seul rêve, entrer au FBI. Non, mais c'est bien, Gérard, je renifle ta chatte. Gérard, ça y est, t'as fini tes conneries. Gérard, je renifle ta chatte. Les agneaux qui se faisaient égorger, Gérard, tu t'en souviens pas ? Vas-y, bouge, Gérard. Quand tu n'avais qu'une seule envie, entrer au FBI. Je renifle ta chatte. Tu mouilles, Gérard. Ça y est, t'es content de tes conneries? Ouais, moi, je suis vulgaire. Je suis assez fier. Je suis en train de palucher, l'arrêt de bouger, Gérard. Et moi, je suis vulgaire, les gars. Bah, renifler une chatte, ça veut rien dire. Hein. Si tout de suite, on le voit du côté un petit peu vulgaire, ouais, bon, d'accord. Il serait bien, Arnett, Tony et compagnie, que nous revenions sur la sodomie. Ah, voilà. Très belle phrase que voilà. Le problème, c'est que si Gérard dit rien, ça va être dur, quoi. Quand ils auront fini de dire leur conneries... Eh ben, tu poses tes questions, tu t'imposes, c'est toi qui fais le débat. C'est toi le poste, Gérard. Ta gueule, toi. Vas-y, voilà. Ta gueule, voilà. C'est bien, connard. Continue, Gérard. Alors, toi, mon pote Tony, tu retournes... Ah, c'est pas moi, c'est Arnett. Non, c'est bizarre. C'est toi que j'ai reconnu, Tony. Non, c'est pas moi. Tu veux que je te le refasse, connard? Eh ben, Gérard. Eh ben, c'est bien, tu retournes, tu vas voir Julio Standard, tu vas être poli. Non, j'en veux pas. Ah, eh ben, il rentre chez lui. Non, mais ta question. Gérard Polak. Aimez-vous faire mal à la personne que vous aimez? Tiens, on va commencer par Chloé, comme elle est... J'ai pas entendu la question. Aimez-vous faire mal à la personne que vous aimez? Moi, oui, Gérard. Toi, ta gueule, c'est pas toi que je m'adresse. Ouais, mais attends, Gérard, on fait un débat sur la sodomie. La sodomie, c'est pas forcément faire mal. Ouais. Là-bas, je m'adresse c'est un à travail, hein. Bon, ta gueule, toi aussi. Mais non, parce que t'as déjà une nana qui t'a dit, oh oui, Gérard, fais-moi mal. Non. Encore, heureusement. Attends, sérieux, la sodomie, c'est pas faire mal, Gérard? Ah oui, Gérard. Si, ça fait mal, comme Sonès l'a dit ou Audrey l'a dit. Alors pourquoi tu sais, Gérard, que ta gueule, toi, quand ça s'appelle un pot de chambre, tu sortiras de sous le lit, toi. Non, c'est pas Audrey, c'est toutes les personnes qui font le débat. Ta question. Alors, aimez-vous faire mal, même si on vous plaque après? Et ça sera la conclusion. Orlando. Vas-y, Orlando. Oui, tu peux la reposer, s'il te plaît. Tu l'as très bien entendu. Non, j'ai pas... L'autre, il parlait. Qui, l'autre? L'autre, il a un nom. Ah, excuse-moi, Gérard. Donc, je te l'ai posé, donc tu réponds. Non, mais tu pourrais la poser à l'endroit, s'il te plaît. C'est bon, tu l'as entendu. De gauche à droite, parce que là, tu l'as dit de droite à gauche. Non, en français, tu pourrais la poser en français, Gérard. S'il te plaît, Gérard, vas-y, si c'est possible. Pensez-vous que ça lui fasse du bien à la nana? On a dit en français. Non, mais Gérard, non, bah, c'est bon, je parle assez français comme ça, ils ont qu'à se déboucher les oreilles. Je réponds. Gérard? Ouais, je t'écoute. Ok, tu m'écoutes. Bon, si tu rentres, t'habites. Ça passe. Je vais dire une chose, que ta connerie, si tu dis des conneries comme ça, tu te les gardes, d'accord? C'était. Justement, comme tu parlais de la sodomie, je pensais que c'était rapport à ça, quoi. Mais c'est ça, t'as raison. Donc, Chanaise, pour toi? Ouais. Chanel. Est-ce que quoi? Et t'es toujours avec la même question, Gérard. Pour la Pensez-vous que ça lui passe du bien? Est-ce que t'aimes faire mal? On a répondu 4 fois, là. En fin de compte, faites-lui plaisir. Il a posé 4 fois la même question, de façon différente. Mais il s'en aperçoit pas. Oh, pas mal, hein. Super top. Il y avait même des réserves dans tes... Exactement. Gérard, non, mais il faut être clair. On aimerait bien savoir plus de choses sur ta vie. Bah, vous en saurez pas plus. Mais non, mais on en... Si tu nous... Ouais, vous prenez tous un papier, un crayon. Voilà. Ouais. Donc, Gérard habite 30 rues. C'est pas ça? Quand tu finiras tes conneries, continue. Eh ben, tu veux pas que j'aille ton adresse? Oh, allez, l'adresse complète maintenant. Ah oui. Bon. Gérard, tu payes le café là, je viens chez toi. Ah ouais, tu comptes. Ah ouais. Bon, on a porté croissant. Ouais, non, mais vous venez à la radio, vous venez tous attendre Gérard à la radio, il viendra vous. 69 900 Poem City. Voilà, t'as l'adresse maintenant. Donc, t'envoies tes cris là. Bon, on va peut-être arrêter là pour ce soir. Hein? On va peut-être dédicacer une dernière chanson à Gérard. Exactement. Oh, si vous pouviez le voir, il fait celui qui veut pas, mais il a un grand sourire, il est trop heureux. Ah, c'est clair. Bon, qu'on fait maintenant, Gérard? Bon, Gérard, on fait un débat sur les législatifs. Sur ses offres, appelé Dell au... Il va m'emmener à Taboum. C'est quoi ça, Taboum? Qu'est-ce qu'on dit, Françoise? À Taboum. À ta boîte de musique, si tu veux. Ah, ma boîte de musique. À ma boum. C'est-à-dire... Ah, il doit m'emmener à ma boum. Bah, à Taboum. Ah bah ouais, ma boum que je fais tous les vendredis soirs. Bah oui. Eh bah ouais, on fait des booms le vendredi. J'avais complètement... Avec Gérard et tout, hein. Ah bah ouais, mais boum. Mais attends. Pourquoi tu fais pas de débat, toi? Elle m'énerve. Parce que c'est une auditrice, c'est des auditrices qui vont le chercher chez lui et qui l'emmènent à la boîte et qui le ramènent. Oui. Il ne paye pas de taxi parce que son taxi à lui, ce sont des auditrices. Mais il a raison. Les chaînes sans arrêt. Pour quoi? Pour mettre du football. Pardon? Il n'y a pas de football surtout, ce soir. Attendez. Il n'y a pas de football ce soir. Non. Bon, alors pourquoi vous appelez? Mercredi, Parce que? Disons que j'en ai marre voir des gens. Qui se balade. Attendez, mademoiselle, hein, je vais vous passer quelqu'un tout de suite, entendu? Oui. Vous pourrez donner votre plainte. Oui, c'est ça. Françoise, tu dis... Oui, bonsoir. Allô. Allô. Vas-y. J'y vais. Je vous écoute. Oui, allô. Oui. Stéphane. Oui. Voilà, je voulais vous dire que vous êtes dégueulasse. Ah bon? Oui. Ah. Vis-à-vis du football. Parce que j'ai horreur des gens qui se battent avec un ballon. Ça ressemble à rien du tout. Voilà. Oui, mais... Ça, c'est mon coup de gueule. Pardon? Ouais. Attendez, négatif. Pour moi, le film, ça va. Mm-hmm. Mais voir des cons. Ah. Voir des cons. Je suis désolée de vous dire. Mais qui sont ces cons? Les joueurs, vous voulez dire? Oui, les joueurs. Oui, tous les joueurs. Que ce soit à droite et à gauche, machin, truc chouette. Mm-hmm. N'importe qui se battent pour un ballon. Qui se battent pour un ballon. Mm-hmm. Moi, négatif. J'en ai rien à foutre. Je veux pas en entendre parler. Mm-hmm. Voilà. Voilà. C'est mon coup de gueule. Voilà. Pas mon coup de gueule. Voilà. Bien, écoutez, j'en ai pris une autre, mais c'est votre point de vue. Ah ouais, c'est mon point de vue. Bien. Je m'appelle Françoise. Très bien, Françoise. Voilà, j'en c'est ai pris une autre. C'est entendu. Voilà. Vous vouliez rajouter autre chose? Négatif. Négatif? Ouais, négatif. Négatif donc pour le football, n'est-ce pas? Ah, le football, je préfère le football parce que c'est... Attendez. C'est violent. Attendez, je ne vous suis plus. Vous préférez le football ou vous n'aimez pas le football? J'adore le football parce que c'est violent. J'adore les trucs violents. Là, je ne comprends plus rien. Vous aimez le football parce que c'est violent? Voilà. Non, parce que... voir des gens qui se battent pour un ballon, vous l'avez déjà dit, oui. Pour un ballon, mettre un but, machin. Hein. Mm-hmm. Par contre, au foot, au rugby, par contre, c'est plus violent. C'est vraiment violent. C'est que ils veulent absolument mettre le but. Écoutez, j'ai du mal à vous suivre. Aïe. Bon. Ah. Bon, pas de football en première partie de soirée. Ouais. Ça, je l'ai compris. N'est-ce pas? Oui. Bien. Bon. Bien, laissez tomber. Laissez tomber. Je laisse tomber? Allô? Oui, je peux... Bien. Ah. C'est comme ça. Et le rugby, c'est pareil. Le rugby, c'est pareil. Pour le ballon, c'est pareil. Qu'est-ce qui est pareil? C'est pareil parce qu'ils se battent. Ah bon? Ils se battent. Mm-hmm. Ils se battent. Donc, ça n'a rien à voir avec un match de foot. Mm. Donc, vous aimez... Parce qu'un match de foot, on voit des mecs qui courent... En voiture, voilà. Mais ils ont... Une femme deux fois de suite. Eh bien, réponse, une fois en la... Et la deuxième, en vous... Au rideau. C'est énervant, hein. Alors, si les... vous énervent, lisez les codes des savanes. Les... Mike Morgan, I Don't Want You Hanging Around, enregistré live au club Tipitina à New Orleans. C'est extrait d'un tout nouveau CD qui en fait reprend d'anciens titres de Mike Morgan, à la guitare bien sûr, avec Lee McBee au chant et à l'harmonica, qui fait pas semblant non plus celui-là. C'est distribué en France par Night and Day. Que diriez-vous maintenant d'un grand classique?